le jeune Bayard va s'éloigner de ses parents pour se mettre au service d'un prince. Son père l'a béni. La pauvre dame de mer était en une tour de château qui tendrement pleurait, car combien qu'elle fût joyeuse, dont son fils était en voie de parvenir, amour de mère l'admonestait de larmoyer. Toutefois, après qu'on lui fût venu dire « Madame, si vous voulez venir voir votre fils, il est tout à cheval, prêt à partir. » La bonne gentille femme sortit par le derrière de la tour et fit venir son fils vers elle, auquel elle dit ces paroles « Pierre, mon ami, vous allez au service d'un gentil prince, d'autant que mère peut commander à son enfant. Je vous commande 3 choses tant que je puis, et si vous les faites, soyez assurés que vous vivrez triomphamment en ce monde. La première, c'est que devant toute chose, vous aimez, craignez et servez Dieu, sans aucunement l'offenser, s'il vous est possible. Car c'est celui qui tous nous a créés, c'est lui qui nous fait vivre, c'est celui qui nous sauvera, et sans lui et sa grâce, nous saurions faire une seule bonne œuvre en ce monde. Tous les matins et tous les soirs, recommandez-vous à lui, et il vous aidera. La seconde, c'est que vous soyez doux et courtois à tout gentilhomme, en ôtant de vous tout orgueil. Soyez humble et serviable à toutes gens, ne soyez maldisant ou menteur, maintenez-vous sobrement quant au boire et au manger. Fuyez envie, car c'est un vilain vice, ne soyez un flambeur ou rapporteur, car telle manière de gens ne viennent pas volontiers à grande perfection. Soyez loyal en fait et dicte. Tenez votre parole, soyez secourable à vos pauvres veuves et orphelins, et Dieu le vous pardonnera. La tierce des biens que Dieu vous donnera, vous voyez charitable aux pauvres nécessiteux, car donner pour l'honneur de lui d'appauvrir honteux homme. Étonnez tant de moi, mon enfant, que telle aumône que pourrait vous faire, qui grandement vous profitera au corps et à l'âme. Voilà tout ce que je vous en charge. Je crois bien que votre père et moi ne vivrons plus guère. Dieu nous fasse la grâce à tout le moins, tant que nous serons en vie. Que toujours puissions avoir bon rapport de vous. » Alors le bon chevalier, quelque jeune âge qu'il eût, lui répondit « Madame ma mère, de votre bon enseignement, tant humblement qu'il m'est possible, vous remercie, et espère, si bien l'en suivre, que moyennant la grâce de celui en la garde duquel vous me recommandez, en aurez contentement. » Alors la bonne dame tira hors de sa manche une petite boursette, en laquelle avait seulement 6 écus en or et 1 en monnaie, qu'elle donna à son fils. Y appela un des serviteurs de l'évêque de Grenoble son frère, auquel elle bailla une petite mallette en laquelle avait quelques linges pour la nécessité de son fils. Servir Dieu, lui demander le chemin du devoir, se dévouer au prochain, défendre les faibles, secourir les pauvres, être vrai, loyal, fidèle à sa parole, bienveillant, courtois, c'est encore au temps de Charles VIII, l'idéal de la chevalerie. Comment s'étonner que de tels enseignements, passant par les lèvres d'une mère, ait formé le chevalier sans peur et sans reproche, qui certes vécut triomphamment en ce monde. Plus tard, c'est le jeune du Plessis-Mornay qui s'éloigne de sa mère pour compléter son éducation par un grand voyage. Sa mère lui donne par écrit, plus que des conseils, un puissant exemple, la vie de son père, le célèbre du Plessis-Mornay, celui que l'on nommait le pape des Huguenots, mais qui apporta dans l'erreur une forte conviction qu'il ne sacrifia jamais à aucun intérêt humain. L'honneur fut le signe distinctif de cette vie, et c'est cet honneur que Madame du Plessis-Mornay propose à son fils comme un grand modèle. Afin encore que vous n'y ayez point faute de guide, en voici un que je vous baille par la main, et de ma propre main pour vous accompagner, c'est l'exemple de votre père que je vous adjure d'avoir toujours devant vos yeux, pour l'imiter duquel j'ai pris la peine de vous discourir, et que, ce que j'ai pu connaître de sa vie, nonobstant que notre compagnie ait été souvent interrompue par le malheur du temps, je suis maladive, et ce m'est de quoi penser que Dieu ne me veuille laisser longtemps en ce monde. Vous garderez cet écrit en mémoire de moi, venant aussi, quand Dieu le voudra, à vous faillir. Je désire que vous acheviez ce que j'ai commencé à écrire du cours de notre vie. Mais surtout, mon fils, je croirai que vous vous souviendrez de moi, quand j'irai dire en quelque lieu que vous alliez, que vous servez Dieu, et en suivez votre père. J'entrerai content au sépulcre, à quelque heure que Dieu m'appelle, quand je vous verrai sur les airs d'avancer son honneur, en un train assuré soit de seconder votre père, soit de le faire revivre en vous, quand par sa grâce il le vous fera survivre. Monsieur et Madame du Plessis-Mornay devaient survivre à leur enfant. La mère malade, languissante, allait être précédée dans la tombe par le fils, plein de jeunesse, mais frappé à mort dans un combat. Voici maintenant au XVIIe siècle et au XVIIIe deux mères catholiques, la duchesse de Liancourt, que nous connaissons déjà, et Madame Le Guerchois, née Madeleine d'Aguesseau, la sœur du chancelier. L'une élève un gentilhomme de grande race, l'autre un fils de magistrat. Et toutes deux ont laissé des écrits qui nous font connaître la direction de leur enseignement. Madame de Liancourt a exposé dans le règlement qu'elle écrivit pour sa petite fille les principes qu'une mère doit mettre en pratique dans l'éducation de son fils. Elle les avait elle-même appliquées. Elle écrivit aussi pour elle-même des pratiques pour se disposer à la mort. La grande dame et la femme du magistrat édifient l'une et l'autre l'éducation de l'homme sur la forte base religieuse qui seule soutient les vertus publiques et privées. Madeleine d'Aguesseau conseille à son fils avec la lecture quotidienne du Nouveau Testament, l'étude de la religion, mais une élue de pratique d'où il puisse former des principes sur toutes les règles de vérité mises en conduite. Et la duchesse de Liancourt donne pour précepte fondamental à l'éducation de son fils la maxime suivante. La seule règle de ce qu'on doit au monde est ce qu'on doit à Dieu. Et la droite raison consiste à tirer de ce premier et unique devoir l'idée de la véritable grandeur, du vrai courage, de la valeur, de l'amitié, de la fidélité, de la libéralité, de la fermeté et de toutes les vertus dont les gens de qualité se piquent le plus. Enseigner aux jeunes gens ce qu'ils devaient à Dieu, c'était donc leur enseigner ce qu'ils devaient à la patrie, au roi, à leurs parents, aux prochains, ce qu'ils se devaient à eux-mêmes. Une telle direction mettait dans le cœur du jeune homme les sentiments forts, généreux, raisonnables, dont Madame de Liancourt voulait qu'il se nourrît. Humble devant le Créateur, il comprend que la vraie dignité de l'homme consiste non dans les dons extérieurs, mais dans le signe divin que lui a imprimé le christianisme. Il soumet ses passions à sa raison, et sa raison à Dieu. Il ne se glorifie même pas de sa vertu, et ne voit dans les fautes d'autrui que la faiblesse humaine à laquelle lui aussi est sujet, et dont la grâce de Dieu l'a préservé. Respectueux du pouvoir comme d'une délégation de Dieu, il garde l'indépendance de sa conscience. Ami dévoué, il sacrifie tout à l'amitié, hors de cette conscience. Désintéressé, il est d'autant plus serviable. Miséricordieux, il pardonne l'offense. Il ne se bat pas en duel. Précepte bien utile dans ces temps où la mère, qui apprenait la mort glorieuse de son fils tué à l'ennemi, disait au milieu de sa douleur « La volonté de Dieu soit faite, nous l'eussions pu perdre en duel, et lors, quelle consolation en eussions-nous pu prendre ?» C'est le cri de Madame Duplessis Mornay, c'est aussi le cri de Sainte Chantal. La mère catholique et la mère protestante s'unissent ici dans la même terreur de ces combats singuliers qui auraient enlevé à leurs enfants plus que la vie du corps, la vie de l'âme. Mais n'y a-t-il pas à craindre que l'on attribue à la lâcheté le refus de se battre? Pour éviter un tel jugement, la duchesse de Liancourt veut que de bonne heure on envoie le jeune homme à l'armée et qu'il déploie devant l'ennemi ce courage du chrétien qui, sûr de l'éternité, ne redoute pas la mort. Ainsi agit-elle pour son fils, Madame de La Roche-Guyon, qui fut tué en combattant comme volontaire au poste le plus périlleux. C'est ainsi que les femmes de France savaient préparer dans leur fils un gentilhomme et un soldat. Comme la duchesse de Liancourt, Madeleine d'Aguesseau, donne à son fils un flambeau qui le guide vers le ciel, en éclairant sa marche sur la terre. À la différence de Madame de Liancourt, qui élevait son fils pour le métier des armes, elle ne sait pas quelle profession choisira le sien. Sans doute elle juge bon qu'un jeune homme suive la carrière paternelle, mais elle désire avant tout que l'on tienne compte de la vocation de son fils, cette vocation sur laquelle il priera Dieu de l'éclairer et consultera aussi ses parents. Toutefois, ce n'est pas à la vie des camps que Madame Le Guerchois le prépare, c'est à cette vie d'études que la duchesse de Liancourt recommandait aussi à son fils, et dont Madeleine d'Aguesseau trouvait l'exemple dans cette famille de magistrats qu'il l'avait vu grandir. Mais nous savons qu'elle donne à cette studieuse carrière la même inspiration que Madame de Liancourt insufflait à la vie plus militante de M. de La Roche-Guyon, la pensée toujours présente du devoir que Dieu prescrit. Le fils de Madeleine d'Aguesseau s'instruira pour employer sa science au service de sa foi. Il offrira à Dieu l'âpreté même de son travail, comme la rançon que le Seigneur a imposée à l'humanité déchue. La noble femme dit éloquemment que nous sommes condamnés à manger avec peine le pain de l'esprit aussi bien que le pain du corps. Mais en imposant à son fils le devoir de s'instruire, elle le prémunit contre l'enflure du faux savoir. Par suite de la déchéance de l'homme, quelque étendue que puissent avoir nos connaissances, ce que nous ignorons est infini en comparaison de ce que nous savons. Nos facultés viennent de Dieu, notre faiblesse est innée. Il nous faut donc parler modestement de ce que nous savons, y rapporter à Dieu nos progrès dans l'étude. Quand son fils sera entré dans le monde, Madame Le Guerchois l'exhorte à se souvenir que ses parents sont ses meilleurs conseillers, ses amis les plus sûrs. Elle lui rappelle avec force l'honneur qu'il doit leur rendre, la confiance pleine de tendresse qu'ils doivent lui inspirer. La duchesse de Liancourt, elle aussi, voulait que le fils confiât tout à sa mère, même ses fautes. Madeleine d'Aguesseau guide son fils dans les amitiés qu'il nouera. Elle en restreint le nombre, mais elle les veut fidèles, dévoués. Elle exhorte le jeune homme au bon choix et à la paternelle direction des domestiques. Elle lui donne des règles pour les distractions du monde, pour la causerie même. Sans doute, il y a chez Madeleine d'Aguesseau, comme chez Madame de Liancourt d'ailleurs, tout le rigorisme janséniste. Elle n'établit pas une distinction suffisante entre les plaisirs permis et ceux qui ne le sont pas. En proscrivant absolument le théâtre, elle ne fait aucune exception pour certaines œuvres, où, comme dans les tragédies de Corneille par exemple, un jeune homme ne peut que respirer le souffle de l'honneur et de la vertu. Les limites qu'elle trace à la causerie sont aussi trop étroites. S'imposer par pénitence le sacrifice d'une parole spirituelle, quelle qu'innocente qu'elle puisse être, c'est là une exagération janséniste qui ne devait pas rendre fort animés les salons où elle se produisait. Si beaucoup d'aimables esprits s'étaient imposés de semblables privations, que serait devenue la vieille causerie française, cette école d'urbanité, de grâce et de bon goût? En lisant ces pages de Madame Le Guerchois, il semble que l'on se trouve transporté au sein d'une rigide demeure de l'ancienne magistrature, dans quelques salons glaciales où de rares visiteurs laissent de temps en temps tomber quelques paroles qui ne rencontrent pas d'écho. Peut-être, par leur solennel ennui, ces salons contribuèrent-ils à jeter dans le tourbillon mondain plus d'un jeune homme, plus d'une jeune femme, qu'une vie moins comprimée eût laissé fidèle aux vieilles traditions domestiques de la robe. Si de même que la duchesse de Liancourt, Madame d'Aguesseau pense plus aux châtiments éternels qu'aux miséricordes du Seigneur, ce n'est que pour soi-même qu'elle exige la sévérité, et elle ne demande pour le prochain que la plus aimable indulgence. Pas plus que Madame de Liancourt, elle ne se plaît aux controverses religieuses qui amènent l'aigreur et non la persuasion. Et tout en faisant d'une austère piété l'inspiration de la vie, elle veut que cette piété ne s'affiche pas à l'extérieur et ne se révèle que dans les actions qui la traduisent. En somme, c'est la digne fille de Henri d'Aguesseau, c'est la digne sœur du grand chancelier, qui nous apparaît dans ses conseils. C'est une femme forte, c'est, dit l'éditeur de ses ouvrages, une mère vraiment chrétienne. Une mère qui, à l'exemple de Tobie, donne des avis à son fils pour le rendre digne d'une vie meilleure que celle-ci et veut lui laisser pour héritage des règles de conduite, comme des biens infiniment plus précieux que tous ceux qu'il pourrait trouver dans sa succession. Près de la duchesse de Liancourt et de Madame d'Aguesseau, j'aime à placer une autre mère, la spirituelle marquise de Lambert, dont la vie se partage entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Sans doute, malgré l'élévation de sa pensée, la délicatesse de ses sentiments, son inspiration est moins haute que celle des deux mères, qui viennent de nous occuper. En s'adressant à son fils, le jeune colonel de Lambert, elle le prépare plutôt à la vie du monde qu'à la vie éternelle. Après avoir écrit ces lignes, je vois que toi était aussi la vie de Fénelon. Et le but qu'elle lui montre, ce n'est pas la gloire céleste, c'est la gloire humaine, mais une gloire pure, généreuse, qui en donnant à l'homme, au soldat, un grand nom, consiste moins encore dans cette brillante renommée que dans le témoignage que sa conscience lui rendra en lui disant qu'il a fait son devoir. D'ailleurs, dans les avis qu'elle donne à son fils, aussi bien que dans les conseils non moins élevés qu'elle adresse à sa fille, elle assigne pour principe à la vie la morale évangélique. Elle trouve que sans les vertus chrétiennes, les vertus morales sont en danger. Si les mères forment dans leurs fils des hommes d'honneur, elles préparent aussi dans leurs filles de vigilantes ménagères. nobles dames et bourgeoises s'y appliquent également. La baronne de Chantal comme madame de Laurence, la duchesse de Liancourt et la duchesse de Doudoville comme madame Acari. Alors que je retraçais l'existence de la grande dame ménagère, je ne faisais que m'inspirer des conseils écrits que madame de Liancourt donnait à sa petite fille et madame de Doudoville à sa fille. Cette aïeule, cette mère, n'avait qu'à regarder en elle-même pour reproduire dans leur postérité la femme forte de l'écriture, cette femme forte qui, de même que l'homme d'honneur, trouve dans sa foi la lumière du devoir et l'énergie du bien. La duchesse de Liancourt nous a montré que dans la mission maternelle, la grand-mère remplace la mère qui n'est plus. Dans l'ancienne France, quel type auguste que celui de l'aïeul. L'aïeul joignant à l'autorité maternelle la majesté des ans. L'aïeul qui, plus près de la tradition patriarcale, la personnifie en quelque sorte. Quelle grande figure d'aïeul que la duchesse de Richelieu, mère du cardinal. Veuve, elle a élevé ses 5 enfants, et lorsque meurt sa fille, madame de Pontcourlet, elle recommence sa tâche auprès des enfants de la morte. En recevant sous son toit le cardinal, elle lui présente cette chère postérité que Richelieu, l'homme d'état inflexible, bénit en pleurant. Que l'aïeule est touchante alors, et sous quelle religieuse auréole elle nous apparaît, quand le soir dans la salle du vieux château, elle réunit ses enfants, ses petits-enfants, ses serviteurs, dans la commune prière, dont elle est l'interprète vénérée. La mère vit-elle encore, quel guide sur elle trouve dans sa propre mère pour l'éducation de ses enfants et le soin de leur avenir. Comme cette mère l'instruit par son propre exemple. Au XVIe siècle, madame de Laurence recommande à sa fille Jeanne de bien élever ses enfants et de leur faire apprendre une profession. Ayant cela et la crainte de Dieu, ils ont assez. Qu'est-ce qui manque à vos frères? Quand je fus veuve avec tant d'enfants, je n'avais après Dieu que mes voisins et amis, car de parents je n'en avais point ici. Elle racontait à sa fille que ses amis lui conseillaient de mettre au couvent quelques-uns de ses 10 enfants pour assurer un sort plus favorable aux autres. Mais la pieuse femme ne voulut pas de vocation forcée. C'eût été acheter trop cher son repos. Elle demanda à Dieu la force de suffire à sa tâche et se mit vaillamment à l'œuvre. Dans sa pauvreté, elle trouva moyen de faire instruire ses 8 fils et de leur faire subir les épreuves du doctorat. Sa fille nous apprend à quel prix. Vous me direz comment est-ce qu'elle pouvait faire étudier et passer docteur ses enfants, notre père ayant laissé si peu de rente. Je réponds qu'il avait acquis et laissé quelques pièces de terre dont ma mère se secourait. Car quand elle voulait faire passer docteur quelqu'un de ses enfants ou le faire étudier, elle vendait l'une de ses pièces, en mettait l'argent dans une bourse et de cela les faisait apprendre ou graduer sans rien emprunter. Dieu bénit cette mère dans ses sacrifices, dans ses sollicitudes. Elle maria honorablement ses 2 filles. Ses 8 fils tous, reçus docteurs, donnèrent à cette humble maison bourgeoise 2 archevêques, un provincial des Capucins, un avocat général qui illustra le Parlement de Provence, un avocat de mérite, 3 médecins dont l'un, attitré auprès de Henri IV, acquit de la célébrité. Telle fut la couronne de cette mère. La mère de famille a le dévouement, l'activité féconde, la foi agissante qui font d'elle une admirable éducatrice. Mais dans ce siècle où, suivant la remarque que nous avons déjà faite, les principes romains règnent dans la famille, l'affection maternelle est souvent sévère, et la force du caractère, la grandeur morale, l'autorité imposante prédomine sur la tendresse. Mais cette tendresse, pour être contenue, n'en est pas moins profonde. Et comme parfois elle s'épanche, quelles larmes répand la mère de Bayard au moment où elle va donner ses derniers conseils à son fils, qui s'éloigne du foyer. Quel amour maternel, quel abandon plein de charme dans les lettres que madame de Sévigné écrit à sa fille absente. Et lorsqu'une mère a devant elle non plus une séparation momentanée, mais l'éternelle séparation d'ici-bas, que d'amertume dans la douleur de survivre à son enfant. Madame du Plessis-Mornay, la mère austère et ferme, ne peut longtemps proférer une parole, lorsque son mari lui annonce que leur fils a été tué. Elle s'est résignée à la volonté de Dieu, mais, dit-elle, le surplus se peut mieux exprimer à toute personne qui a sentiment par un silence. Nous sentîmes arracher nos entrailles, retrancher nos espérances, tarir nos desseins et nos désirs. Nous ne trouvions un long temps que dire l'un à l'autre que penser en nous-mêmes, parce qu'il était seul après Dieu. Notre pensée, toutes nos lignes partaient de ce centre et s'y rencontraient, et nous voyions qu'en lui, Dieu nous arrachait tout. sans doute pour nous arracher ensemble du monde, pour ne tenir plus à rien, à quelque heure qu'il nous appelle. Et quand Madame de Longueville, convertie, apprend dans sa retraite religieuse la mort de son fils tué au passage du Rhin, comme le désespoir de la mère fait explosion dans ce cœur que la pénitence a déjà broyé. Madame de Sévigné nous a dépeint cette scène navrante, et ici la spirituelle marquise n'a plus qu'un cœur de mère pour faire vibrer l'écho d'un inénarrable désespoir. Tout ce que la plus vive douleur peut faire, et par des convulsions, et par des évanouissements, et par un silence mortel, et par des cris étouffés, et par des larmes amères, et par des élans vers le ciel, et par des plaintes tendres et pitoyables, elle a tout éprouvé. Pour moi, je lui souhaite la mort, ne comprenant pas qu'elle puisse vivre après une telle perte. Gabrielle de Bourbon, dame de la Trémouille, avait succombé à semblable douleur. Son mari, son fils, avaient accompagné François Ier dans son expédition d'Italie. Le jeune prince fut l'une des glorieuses victimes de la bataille de Marignan. C'est dans un cercueil qu'il rentra au château de ses pères. Quelle scène que celle où l'évêque de Poitiers annonce à la pauvre mère la mort de son enfant et l'arrivée du funèbre cortège. En vain le prélat fera-t-il appel aux sentiments héroïques, à la fois ardentes de Gabrielle de Bourbon. La mère ne pourra supporter la terrible nouvelle. « Madame, dit l'évêque, j'ai reçu des lettres de l'Italie. Et puis, dit-elle, comment se porte mon fils ? Madame, dit l'évêque, je pense qu'il se porte mieux que jamais, et qu'il est au cercle de héroïques louanges, et au lieu de gloire infinie. Il est donc mort, dit-elle. Madame, ce n'est chose qu'on vous puisse sceller, voire de la plus honnête mort que mourut un prince ou seigneur. C'est au lit d'honneur, en bataille permise pour juste querelle, non en fuyant mais en bataillant, et navré de 62 plaies, en la compagnie et au service du roi, bien estimé de toute la gendarmerie et en la grâce de Dieu, car lui bien confessé est décédé vrai chrétien. Alors commence pour Madame de la Trémouille une agonie qui dure 3 ans. Pour arracher son fils à la mort, la mère donne sa propre vie. Une belle épitaphe de la dernière année du XVIIe siècle nous montre une femme forte, succombant à la maladie contagieuse qu'elle a gagnée en soignant son fils que la mort, plus forte que son amour, a enlevé de ses bras. Elle a rejoint son fils, et voici que sa fille, qui ne peut vivre sans elle, l'accompagne dans le tombeau. C'est à une famille de robes qu'appartient ce monument funéraire. Il y eut une mère plus héroïque encore dans sa tendresse que cette femme, qui mourut en soignant son enfant. C'est Madame de Chalais, accompagnant son fils jusqu'au pied de l'échafaud pour l'aider à bien mourir. Après l'avoir enfanté à la vie terrestre, elle l'enfante de nouveau, dans d'autres douleurs plus terribles, hélas. Que les premières, pour la vie qui naît de la mort, la vie sans fin. Je ne sais rien de plus grand que cette figure de mère qui apparaît à un condamné entre la terre qu'il va quitter et l'éternité qui l'attend. Nous jetions tout à l'heure un regard ému sur ces tombes où se réunissent les époux. D'autres monuments funéraires nous montrent aussi la mère et l'enfant déposés dans le même tombeau, l'homme même qui a sacrifié au service de Dieu et de la charité sa vie entière et toute sa puissance d'affection, le prêtre qui a renoncé par son austère vocation au titre d'époux et de père, n'oublie pas qu'il est fils, et dans la mort il aime à dormir son dernier sommeil sur le sein maternel qui a été son berceau. La cathédrale de Troyes contient plusieurs tombes où les chanoines sont représentés près de leur mère. Près de Paris, à Lompont, dans l'église prioriale et paroissiale de Notre-Dame, se voit au milieu de la nef une tombe du XVIe siècle. Sur la pierre sont gravées 2 figures, une femme simplement vêtue porte à la ceinture un grand chapelet, avec la croix près d'elle est un prêtre. C'est le curé de Lompont et sa mère.